chemin, déambulé comme un fantôme saturnien. Les journaux vous annonçaient toujours son moi. J'ai ressenti la colère qui gronde à ne plus savoir si je pourrais faire face. Mais toi comme moi, on trouvera notre place. Je t'ai vu belle, frêle, fragile et douce. Un jour tu en auras assez pour en désirer plus. Je t'ai vu belle, frêle, fragile. Qui fait mal peut émerger le plus grand.